vibe s'installe. Red est-ce qui est là, prêt à faire le bal. Oh, oh. Les viewers arrivent, l'ambiance est douce. Un moment partagé, la famille s'accroche. Oh, oh. J'ouvre le chat, un sourire sincère. Les échanges commencent, une atmosphère claire. Des rires, des conseils, des moments vrais. Dans ce stream, on concon sans jamais se taire. Le son enveloppe, hop, la basse roule. Chaque mot résonne, le temps s'écoule. Les vieux est connectés, la force est là. Dans ce live, c'est notre combat. Tu stream, la vibe est posée. Avec Raid et Skill, tout est partagé. Les heures passent, le rythme monte. Le chat s'anime, l'ambiance affronte. Un flow simple, une énergie claire. Dans ce monde virtuel, tout est lumière. Les trolls défilent, mais on reste soudés. Raid et Skill mène, rien n'est oublié. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque live est un espace. Du stream, la vibe est posée. Avec Raid et Skill, tout est partagé. Chaque instant compte, chaque son frappe. Le live est chaud, la vibe attaque. On s'amuse, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Raid et Skill brille, la vibe réclame. Un souffle calme, un instant partagé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain sera